J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le matin, 29 septembre 1914. Elle est debout, mais pantelante. Nous suivions la même route que le jour où nous la vîmes entière. Guettant le talus d'où elle se montre aux voyageurs, nous avancions, la tête tendue comme à la portière d'un wagon, lorsqu'en marche on cherche à reconnaître un visage. Avait-elle conservé le sien ? La voilà, derrière une voilette de brume. Sera-t-elle donc encore ? Les premières maisons de Reims nous la cachent. Nous arrivons au parvis. Les poutres brûlées, les cloches sont venues s'abîmer sur le sol. Ce n'est plus elle, ce n'est que son apparence. C'est un soldat que l'on aurait jugé de loin sur sa silhouette toujours haute, mais qui, une fois approché, ouvrant sa capote, vous montrerait sa poitrine déchirée. Les pierres se détachent d'elle. Une maladie la désagrège. Une horrible main l'a écorchée vive. Les photographies ne vous diront pas son état. Les photographies ne vous donnent pas le teint du mort. Vous ne pourrez réellement pleurer que devant elle, quand vous y viendrez en pèlerinage. Elle est ouverte, il n'y a plus de porte. Nous pénétrons en retardant le pas. Nous sommes déjà au milieu de la grande nef, quand nous nous apercevons avoir le chapeau sur la tête. L'instinct qui fait qu'on se découvre au seuil de toute église n'a pas parlé. Nous ne rentrions plus dans une église. Il y a bien encore les voûtes, les piliers, la carcasse, mais les voûtes n'ont plus de toiture et laissent passer le jour par de nombreux petits trous. Les piliers, à cause de la paille salie et brûlée dans laquelle ils finissent, semblent plutôt les poutres d'un relais. La carcasse, où coula le réseau de plomb des vitraux, n'est plus qu'une muraille souillée, où l'on ne s'appuie pas. Nous prenons l'escalier d'une tour. Les deux premières marches ont sauté. Tout en le montant, notre esprit revoit les blessures extérieures. Nous devons être au niveau de ce fronton où Jésus mourait avec un regard si magnanime. Le fronton se détache maintenant, telle une patte feuilletée, et Jésus n'a plus qu'une partie de sa joue gauche. Plus haut est cette balustrade que dans leur imagination les artisans du Moyen-Âge ont dû destiner aux anges les plus roses. La balustrade s'en va par colonnes. Les anges n'oseront plus s'y accouder. Et nous montons, sans pouvoir chasser de nous cette impression que nous tournons dans quelque chose qui se fond tout autour. Nous arrivons à la lumière. Sommes-nous chez un plombier ? Du plomb en lingots biscornus. La toiture disparue laisse les voûtes à nu. La cathédrale est un corps ouvert par le chirurgien et dont on surprendrait les secrets. Nous ne sommes plus sur un monument. Nous marchons dans une ville retournée par le volcan. Sénèque, à Pompéi, n'eut pas plus de difficulté à placer le pied. Les chimères, les arcs-boutants, les gargouilles, les colonnades, tout est l'un sur l'autre, mêlé, haché, désespérant. Nous redescendons. Nous sommes près du chœur. De là, nous regardons la rosace, l'ancienne rosace. Il ne lui reste plus qu'un tiers de ses feux profonds et chauds. Elle créait dans la grande nef une atmosphère de prière et de contrition. Et le secret des verriers est perdu. En regardant ainsi, nous vîmes tomber des gouttes d'eau de la voûte trouée. Il ne pleuvait pas. Nous nous frottons les yeux, il tombait des gouttes d'eau. C'était probablement d'une pluie récente, mais pour nous ainsi que pour tous ceux qui se seraient trouvés à notre côté, ce n'était pas la pluie. C'était la cathédrale pleurant sur elle-même. Le canon continue de jeter sa foudre dans la ville. Les coups se déchirent plus violemment qu'au début. Que cela peut-il faire maintenant ? La cathédrale de Reims n'est plus qu'une plaie. Albert Londres.